Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-alama al-Sheikh Hamoud al-Twijri rahmatullah alayhi. Wa qala Sheikh al-Islam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Hajru al-Shar'i naw'a. On est toujours fi hadha al-bab al-Muhim. Bab al-Hajr. Après avoir cité al-Mawqif mina al-Fasiq al-Asi, le comportement qu'on doit avoir avec celui qui fait des péchés parmi les croyants, parmi les choses, les points qu'il a cités importants, al-Hajr. Al-Hajr, on a déjà expliqué, ay tarku al-Kalam wa salam, traduit par boycotter. Wahuna, il a cité une parole muhim, et kathir min al-ulama yanquloun hadhihi al-kalima al-nafisa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fil hajr. Et il a cité des fawaïd importantes, taqsimat muhimma, des catégories de hajr. Voilà, celui qui comprend hadha al-kalam fa bi idnillahi azza wa jal, il aura des bases solides fi hadhihi al-mas'ala, dans ce sujet al-hajr. Qala al-hajru al-shar'i naw'an, deux catégories de hajr, et on est fil hajr al-shar'i. أي الذي ما له حد أما الهجر الدنيوي فلا يجوز فوق ثلاث. On n'a pas le droit de faire le hajr plus de 3 jours pour quelque chose de دنيا. أما الهجر الشرعي فدو كاتيجوري. أحدهما بمعنى الترك للمنكرات والثاني بمعنى العقوبة عليها. Le premier, c'est le fait de délaisser les péchés. Ça, c'est un hajr. L'anna ma'na al-hajr, hajara, le ha, le jim et le ra, c'est bima'na al-tark, délaissé. Enfin, le premier bima'na al-tark, l'il-munkarat, et le fait de délaisser al-munkarat. Matalan, hajr al-ma'asi kulliha, shurb al-kham, wazzina ila akhari, ça c'est du hajr. On fait le hajr à ces choses, et on les délaisse. Wathani bima'na al-uquba, alayha. Le deuxième hajr, et c'est le fait de punir celui qui fait la première catégorie. Enfin, la première catégorie, c'est sur les œuvres. La deuxième catégorie, c'est sur la personne. Enfin, nous, on doit faire le hajr à certaines choses. Ne pas boire d'alcool, ne pas faire zina, ne pas mentir, il a akhiré, délaisser bilal de kofre, etc. Et la deuxième, le hajr par rapport à la personne. Si cette personne, elle fait un péché. Il va commencer par le premier. قال فالنوع الأول وهو المذكور في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. نعم. فلهذا قال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي اترك مجلستهم. Quand il parle bila ilm ila akhri, fa délaisse cette assise, délaisse هذا المنكر. قال مثل قوم يشربون الخمر لا يجلس عندهم. Sans parler des ashkhas là. Amma est-ce que celui qui boit de l'alcool on doit lui faire le hajr ou pas? Ça y est, ti ma'ana. Lakin awalan, la première étape, il faut bien comprendre hajr amakin al-ma'siya. Sans parler de la personne. Mathalan, dans un endroit des musulmans ils boivent de l'alcool. فنهجر هذا المكان. On reste pas avec eux. قال وقوم دعوا الى وليمه او كان دعوا. Vous avez دعوا بالفتح. Vous avez pas de chèque là. اما هنا وقوم دعوا الى وليمه فيها. نعم دعوا. اما دعوا c'est هم. C'est eux qui vont appeler. اما الان c'est eux qui se sont fait appeler, inviter. دعوا مثل une ضمه اما هنا ينفتحه قال وقوم دعوا الى وليمه فيها خمر وزمر Zamrouna et Mazamir, de la musique. La yujib da'watahum. Fi hadha al-hal yahjur al-makan. Même si, Robama, il va continuer à parler à cette personne, bin nasiha, lui montrer que c'est haram. Il a akhre, maintenant, khasatan, si on qadr que c'est une personne, il ne peut pas faire du hajr comme son père, ou comme son frère, ou un membre de sa famille, il ne peut pas lui faire le hajr, il a akhre. Lakin ala kulli hal, même si cette personne ne peut pas lui faire le hajr pour une raison, et ça sera le deuxième point qu'on essaiera de détailler ensemble, inshallah, ala kulli hal, l'endroit où il y a du munkar, il n'assiste pas. Ton frère, il se marie. Ton frère, tu ne lui fais pas le hajr. Khasatan, s'il écoute, khasatan, tu sens que tu peux le faire dawa, ne lui fais pas le hajr, c'est ton frère. Et il se marie et il a des faiblesses, et il reconnaît, il te dit, je sais ce que tu dis, c'est sahih. Ils sont agadés, ils aiment le sunnah, ils aiment le sunnah, lakin il a des faiblesses pour son mariage et il fait des choses des munkara et il t'invite. Il y a de l'hal, tu le montres, Allah, je ne peux pas faire un mariage, à la sunnah je viens, munkar je ne viens pas, c'est haram. Le munkar il est haram et si moi j'assiste c'est haram. Si j'assiste c'est pour enlever ce munkar, si je ne peux pas, je ne peux pas venir. Ça c'est le premier point. Qala. وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم هذا استثناء. Ça c'est une exception. Al-Asl, on n'a pas le droit d'assister dans un endroit où il y a du haram, alcool ou autre, musique, etc. On n'a pas le droit. Si on est dans un endroit où il y a ce munkar, نهجر المكان, on sort, on se déplace. إلا في حال, on a le droit de se rendre dans un endroit où il y a du munkar. Dans un cas, l'inkar. Mathalan, ton enfant, il fait du munkar dans un endroit, tu te rends dans cet endroit, l'imadal, il y en a, tu sais que tu peux enlever ce munkar, et tu sais que ton enfant, il va t'écouter. Wa tasjuru wa tu'addibuhu. Et à la hal, t'as le droit. On va pas dire, là, ne va pas dans cet endroit. Il y en a, il y a de la musique. Si c'est ton enfant, t'as le droit. Et tu enlèves ce munkar. Et à la hal. Amma, tu peux pas enlever le munkar, fala tut'ib nafsak et hjur hadha al makan. Délaisse cet endroit. Qala ou hadra bi ghayr ikhtiyari. Ça, c'est un deuxième cas. Et ce cas, il est ma'rouf. Aïe al-ikrah. Al-ikrah. Tu es forcé. Tu es dans un endroit, tu es enfermé et ils mettent du munkar. Tu n'as pas le choix, viad al-hal. La yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Et ta'ammalu diqqat kalam Cheikh al-Islam. Cite un asl, azim, avec des preuves du Coran et de la Sunnah. Il a cité des versets plutôt, il n'a pas cité de hadith encore. Et il a cité une règle de base, on n'a pas le droit d'assister au munkarat, dans un endroit où il y a des péchés. Thumma, une exception. Hey, sauf celui qui a la force, qui a la capacité d'enlever cette mauvaise chose, il a le droit. Thumma, un tambih, kadhalik, annahu celui qui est forcé, falashi alayh. Illa man ukriha, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Fahada wallahi l'hamd, ukriha. C'est pas lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait ce péché, c'est eux qui le forcent à lâcher. ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. حاضر المنكر كفاعله. Celui qui assiste à un munkar, alors qu'il a la capacité de ne pas assister. فهذا, c'est comme s'il faisait ce munkar. Même s'il ne boit pas l'alcool, même s'il n'aime pas la musique, s'il assiste. Il a حكم ceux qui font. لماذا لانه حاضر alors qu'il a le قدره de ne pas assister. فهذا il est على خطر عظيم. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يشرب عليها الخمر. يشرب كانه يشرب عليها الخمر. الحديث قال في الحاجة اخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصححه لغيره الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فالشيخ الألباني لا صحح هذا الحديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. أي on a pas le droit de s'asseoir autour d'une table et بعض الناس ils boivent de l'alcool. هذا c'est haram. إما ils arrêtent et ils enlèvent cet alcool, إما on se lève, on n'assiste pas معه. قال وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه Al-Muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Al-Hadith est dans le Sahihain an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma kama fil Hashiya. Donc c'est un hadith sahih. Vous avez remarqué que هنا le mot hajr il est cité. Hajra madha ma naha Allahu anhu. Et les péchés, tout ce que Allah il a interdit. Donc هذا الهجر c'est le fait de délaisser les péchés. Ça c'est un hajr. Et délaisser les endroits où ces péchés ils sont commis. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والإيمان فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى وازجر والرجز فهجر من هذا الباب الهجرة تلمموا تلمساكوا بعض العلماء يطلقون الهجر ديز الهجرة هجرة المبتدعة Je leur fais le hajr, c'est le même mot. Fait le hijra, pourquoi ? هذه العبادة العظيمة a été appelée hijra. لماذا ? Ce qui est demandé, c'est hajr bilad al-kufr. Donc ils l'ont appelé al-hijra. Et elle est obligée pour celui qui ne peut pas appliquer son din. فلهذا قال شيخ الإسلام لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به. Celui qui vit dans un bilad où il ne peut pas appliquer son din, فهذا لا يجوز الإقامة لا يجوز لها الإقامة في ذلك البلد بل il est obligé de faire الهجرة. Ça c'est le premier nom. Donc on a deux exemples ou plusieurs exemples. On peut en citer deux. Si tu es invité à une walima, al-walima c'est al-urs, c'est un mariage. Que ce soit walima urs ou autre, un repas plutôt. Ça peut être un mariage, ça peut être une aqiqa, ça peut être autre. Tu es invité dans un endroit et tu sais qu'il y a du munkar, enfin ne te rends pas à cet endroit, sauf si tu as la capacité d'enlever ce munkar. Deuxième exemple, al-hijra, le fait de délaisser bilal kufr, limada li anna vivre عند al-kufra, alors que al-muslim ne peut pas appliquer son din, c'est une ma'asiyah. Et al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nahana ani l'iqama ma'a a'da'ihim al-mushrikin. Donc le premier exemple, il est clair. Un autre cas qu'on peut citer, on a une précision plutôt, si tu assistes à cet endroit, thumma, il y a un munkar, ça arrive, tu peux te faire inviter à une walima, un mariage ou autre, et au début il n'y a pas de munkar, thumma, il y a de la musique, ou ils servent de l'alcool, fa fi hadha al-hal, quand le munkar il apparaît, al-hajr, tu te déplaces, tu sors de cette salle, de cette pièce. Falihada qala azza wa jal, wa idha ra'ita alladhina yakhuduna fi ayatina, fa'arid anhum. Rubbama tu es avec un qawm. Tu es avec des gens et au début ça parle normalement, thumma, ils commencent à parler bidjahla ou des bida'a ou kufr, iyadam billah, fa hadha al-hal, imma tu les conseilles et ils s'arrêtent et ils acceptent nasiha, imma, fa al-hajr, tu quittes cet endroit. Donc la précision, que le munkar il soit au départ, tu n'as pas le droit de te rendre, et si tu es dans cet endroit et le munkar il vient après, fa kadhalik, tu te déplaces. Un nouvel thani, deuxième cas, aïe. من الهجر المشروع الهجر على وجه التأديب هذا هجر الأشخاص أي لبيرسون هنا المراد التأديب pour que هذا الإنسان يتأدب et يدلس المنكر إما البدعة إما المعصية قال وهو هجر من يظهر المنكرات vous avez remarqué que le premier c'est هجر المنكرات Et le deuxième, c'est Hajr, man yudhir al-munkarat, ay sahib al-munkarat, ay al-fa'il, celui qui fait les péchés. Qala yuhjar, hatta yatouba minha, kama hajar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-thalathat al-lazina khullifu hatta anzalallahu tawbatahum. Na'am. Ka'b ibn Malik wa sahibayh, radiyallahu anhum ajma'in. Hina zahara minhum tark al-jihad al-muta'ayyan alayhim, bighayr udhr. ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا فهذا سنتنبيه مهم أن الهجر c'est par rapport au ظاهر attention à ne pas rentrer في النيات في هذا الباب وفي غيره بعض الناس يفعلون الهجر لكن c'est fondé sur تخيلات وأوهام تخيلات وأوهام c'est des choses qu'il pense lui pourquoi tu ne passes pas le salam à fulan Et il te répond, je crois, je pense que il est pas sûr. Imma, c'est un sahib munkar, c'est un mubtadi'. Et il a fait des choses et on le sait. Imma, on ne sait pas, c'est un musulman, enfin, ça reste notre frère. Al-asl, c'est qu'on ne fait pas le hajr. Qala, c'est pour ça qu'il a fait cette comparaison, rahmatullah alayhi. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hajara Ka'b wa sahibay. Pourtant, c'est min afadil as-sahawa radiyallahu anhu. Lakin, vu qu'ils ont délaissé al-jihad, bila'udr, sans excuse valable, فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم ايزون في التوبه الله تاب عليهم الهجر يساعد مع ذلك à cette époque il y avait des munafiqoun النبي صلى الله عليه وسلم il leur faisait pas le hajr il leur passait le salam il parlait avec eux il venait au masjid les gens il leur parlait لماذا لان النفاق c'est dans le cœur فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم il faisait le hajr sur les choses apparentes قال فهنا الهجرة بمنزلة التعزير والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كترك الصلاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع نعم بمنزلة التعزير c'est pour le corriger c'est pour le punir فالحقيقة الهجر سفي مصلحة المهجور بعض الناس يpensent que الهجر c'est de la dureté c'est pour ça qu'ils accusent أهل السنة ils accusent السلفيون d'être trop dur de ne pas avoir de حكمة هذا c'est fondé sur l'ignorance وإلا فالهجر أولا c'est du علم c'est de la حكمة c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a cité في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a appliqué Et ثانياً, c'est في مصلحة المهجور. لكن vu qu'on vit à une époque, خاصة à notre époque, أن الناس, ils n'aiment pas être contredits, ils n'aiment pas les remarques. Même si c'est بحق. من باب أولى الهجر. Vous avez remarqué qu'on vit à une époque, si tu es gentil avec les gens, ils sont gentils. Même si ton حال il est, عيادا بالله, un حال سيء. Si tu as certains مواقف, même si tu as la حق, beaucoup de gens ils te détesteront. لماذا? لأن الحب والبغض عند كثير من الناس il est pas fondé sur الحق sur les preuves du Coran et de la Sunna c'est pour ça que في الحقيقة celui qui te fait le hajr ربما tu dois être reconnaissant envers lui et تحسن إليه et il veut le bien plus que un autre qui te voit faire du munkar et ربما il t'aide ربما il te complimente لكن هذا c'est pour celui qui réfléchit din. Ama celui qui réfléchit que dunya et ses masalih personnels, son profit à lui personnel, فهذا il acceptera pas ces choses. قال وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا فلهذا السلف يمتئ en garde contre أهل البدع contre les innovateurs et كذلك ils interdisaient de prendre العلم عندهم إلى آخر لماذا لأن celui qui se rapproche de هؤلاء ils lui feront du mal pas physiquement là ils feront du mal à son دين à sa foi à sa croyance عيادا بالله لهذا قال عز وجل فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فالإنسان يسكت أهل البدع que ça soit le mariage que ça soit bien sûr العلم tant que tu peux t'écarter d'eux écarte-toi لماذا لأن se rapprocher du feu ça brûle se rapprocher des mauvaises choses ça fait du mal وكما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه القلوب ضعيفة والشبه خطافة هكذا قال Après avoir mis en garde contre Ahl al-Bida' ila akhirah, il a conclu son kalam par une phrase jamila, al-qulub dha'if. On est faible. Même tu as appris, même tu connais le regardement ila akhirah al-qulub dha'if. Combien de personnes, ils étaient aqwa minna, ils avaient plus de ilm, ils avaient plus de courage, ils avaient plus d'expérience. Ils se sont mélangés à des mauvaises personnes, ils se sont égarés. Fahdhar wa shubha khataf. Rubama cette shubha rentre dans ton cœur wa tatamakkan Et ton cœur, ça devient son lieu de résidence. qui c'est qui va la faire sortir? Une shubha. Ayyadan billah. Alihada al-hajru. Al-haqiqa, c'est un ta'zir pour l'autre, c'est une punition pour l'autre, et c'est une wiqaya. C'est une protection, bi-idnillahi azza wa jal, pour celui qui fait le hajj. Qawluhu wa la yusalla khalfahum. Celui qui vit dans un pays, dans une ville, le masjid où qu'il va, c'est un mubtadi, un munharif, et il n'y a pas d'autre masjid, fa il fait salat. Il fait salat khalfah. Al-ulama. علماء السنة يرابورت توس أن الصلاة خلف المبتدع جائزة لكن سي tu as deux مسجد tu es dans une ville et deux مسجد un c'est un مسجد مبتدع l'imam c'est un مبتدع et l'autre c'est un مسجد السنة va au مسجد أهل السنة et ne va pas à عند أهل البدع لكن s'il n'y a que ce مسجد va ne pas comprendre هذا الكلام أنه on reste chez nous on fait الصلاة chez nous et on ne fait pas الصلاة لا on fait الصلاة الجماعة Même si c'est un mubtadi, thumma, dès que tu as fini salat, tu rentres chez toi. Qala, walihada yufarriqoun bayna al-da'iyah wa ghayr al-da'iyah, li'anna al-du'at adharu al-munkarat, fastahakku l'uquba, bikhilaf al-katim, fa'innahu laysa sharran min al-munafiqin, alladhina kana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqbal alaniyatahum, ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل مع علمه بحال كثير منهم مع أنه صلى الله عليه وسلم connaissait beaucoup de منافق لكن vu qu'il faisait apparaître l'islam il se comportait avec eux en tant que muslim et leur intérieur leur kufr ils rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala celui qui appelle al-bid'a la shak anna as-sunni la mouqif من البغض وهجر etc. on le déteste et on s'écarte de lui. أما celui qui n'appelle pas à sa bid'a, ça reste un mubtadi' si les conditions elles sont réunies. أما العلماء différencie. هذا il est pas مثل هذا. Le danger de celui qui appelle à la bid'a il est beaucoup plus grave. أما celui qui n'appelle pas à la bid'a, enfin il se fait du mal qu'à lui. Si on peut le conseiller, lui montrer, il écoute. Ouais, il l'a. نحن on a fait ce qu'on devait faire et on répète هنا الحذر من الغلو في هذا الباب لأن بعض الناس عيادا بالله ils font le hajj à certains muslims et والله ils connaissent pas son hal ça arrive هذا مثلا ils croisent un muslim dans la rue ou dans un voyage ça arrive ils croisent un frère et ظاهره c'est sunna et ils font le hajj Ça vient de Al-Wasawis. بعض الناس à cause des fitan, كثرة الفتن قيل والقال, ils voient les fitan partout et les mubtadi'a partout. Et si tu lui demandes pourquoi tu passes pas le salam à ce frère, Farubama il te le dit. Là peut-être que c'est un kada. Ce bab il n'est pas fondé sur peut-être, c'est ton frère musulman. Imma za mubtadi'a munharif, tu as des preuves ila akhiri et tu appliques cette ibada ala al-wajh al-mashru'. فالحمد لله وإلا tu n'as pas de علم إلى آخر خاصة ربما ce مسلم tu le croises dans la rue السلام عليكم وعليكم السلام أو c'est toi qui commence السلام عليكم وعليكم السلام بل c'est ton frère كيف حالك إلى آخر ثم si des choses elles apparaissent إلى آخر فهذا c'est un autre كلام لكن pour bien montrer هذا عيادا بالله بعضهم ربما فساق إلى آخر ils ont un bon comportement ils leur passent السلام et son frère et il sait même pas c'est qui On précise, on a. Là, il ne fait pas partie d'un groupe, il ne le connaît pas, ils ne se connaissent pas. Ça passe mille salam, Akhil Karim. Limada, tu fais le hajr à ton frère. Le hajr, c'est une chose qui vient par rapport à une autre. Imma, un péché, imma, une bid'a, imma, du kufr. Ah, ce frère, tu ne le connais pas. Et son apparence, c'est sunna. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le hajr au munafiqoun. Limada, on ferait le hajr à nos frères. On qadr possible que ce musulman, ça soit un munafiq. On ne sait pas. Lakin, on ne le sait pas, donc on se comporte en tant que musulman. Ah là, c'est important. Attention, volme, l'injustice envers ton frère musulman. Combien de personnes, ils étaient durs fi hadha al-bab. Ils faisaient le hajr. Hakada. Ils faisaient le hajr aux innovateurs, aux mubtadi'a et à leurs frères. Si tu leur demandais pourquoi, ils ne savent même pas. Lakin, ils se sont habitués à hadha. Iyadan billah, et va'ou. Va'ou, ils sont fait de dunya l'an. Ba'dhoum l'an, c'est des ashab ma'asi. Ba'dhoum, c'est des mubtadi'a. Limala. Allah talahum, l'injustice. Sois juste. Al-hajr al-jamil. Et al-hajr al-ilmi. Amma les passions et penser que l'insan c'est lui. الفرقة الناجية. C'est lui le groupe sauvé. Tout le monde est égaré. هذا سمن الانحراف. Et bien sûr, après, il y a باب النصيحة, باب البيان, باب الرفق. Inch'Allah qu'on expliquera. هذا c'est un تنبيه مهم. قال ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نعم من حديث أبي بكر رضي الله عنه في الحاشية والصححة والإمام الألباني أي في صحيح المسند كذلك ده الشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال فإن المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. Donc le premier point, la différence entre المعلن, celui qui fait apparaître, et celui qui ne fait pas apparaître. On a l'exemple, أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب ابن مالك رضي الله عنه, et il a pas fait le hajr aux hypocrites. Ça c'est le premier point. قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. Deuxième point par rapport à القوة والضعف. Aïe, Cheikh l'Islam, on a montré que même si c'est un mubtadi', même si c'est un munharif, on ne fait pas toujours le hajr. Ça dépend des masalih et des mafasid. Ça dépend des masalih, est-ce qu'il y a un profit ou pas, et des mafasid, est-ce que ça va emmener un mal plus grand, est-ce qu'il y a un bien dans le hajr, et est-ce qu'on va éviter le mal. Qala وقلتهم وكثرتهم. كذلك celui qui est tout seul dans une ville et il y a que des munharifoun ila akhirih, et celui qui vit dans une ville où que as-sunna li qawiyya, ça sera pas pareil. Qala fa inna al-maqsoud bihi zajr al-mahjur. كلمه زجر تقدم معنا في درس شرح اسماء الله عز وجل. اكبر زاجر. فالزجر c'est une chose pour punir al-mahjoud pour qu'il revienne au haqq. Qala wa ta'dibuhu wa ruju' al-'amma 'an mithli halihi fa in kanat al-maslaha fi dhalik rajiha bi hayth yufdi hajruhu ila dha'f al-sharr wa khufyatihi kana mashru'an. Hadha la shakka fihi. Si al-hajr ça pousse hadha al-munharif a faire tawba ou à ne plus propager son mal, à se taire. Et wallahi alhamd, il y a un énorme bien et on arrive à diminuer ce mal bi idnillah azza wajal, fala shak an al-hajr fi hadha al-hal mashru'. C'est légiféré, il y a aucun problème. Qala wa in kana al-mahjur wa ghayruhu la yartadi' bi dhalik. Amma si al-mahjur, celui à qui on fait le hajr, la yartadi', et il n'y a aucun effet, bal rubbama yazdad sharran, et ربما il salit l'image des frères il a akhri qal bal yazid al shar wal hajir dha'if bi hayt takun mafsadatu dhalik rajihatan ala maslahatihi lam yushra al hajr. Na'am wal hajir il est dha'if. On peut prendre un mital, il est seul dans une ville et il fait le hajr, et ربما les gens ils acceptent plus de lui certaines choses. ففي هذا الحال son hajr فيه نظر. قال لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. Dans certains cas الهجر c'est نافع, on l'a vu auparavant. مثلا une jama'a قوية et un frère il commence à propager البدعة, tout le monde le هجر et ça le touche et ربما ça le pousse à faire توبة. ففي هذا الحال لا شك التأثير il est قوي et الهجر il est مشروع. C'est permis dans ce cas-là. Dans certains cas, at-ta'lif, c'est le rapprocher, ne pas couper les liens ma'a. Ahyanan c'est nafi'. Et hada fihi tafsil fi al-haqiqa. Al-ulama, kathir min al-ulama, yunabbihun huna yan tafsil. Tu peux pas mettre tout le monde au même niveau. Si c'est un savant, il est ala ilm et il a de la quwwa, que ce soit son iman, son ilm, il connaît shubah al-qawm, il a akhir. On peut prendre un mythal, il est dans une ville, il va en da'wa, il est tout seul, et on lui dit, anna fulan sa mubtadi, il a akhir, il ne leur fait pas le hajr. Pourquoi? Il est venu faire da'wa. Et khas, الدعوة إلى التوحيد مثلا قوم من الصوفية si leur fait الهجر فpersonne va l'écouter ففي هذا الحال il leur fait pas الهجر التأليف c'est أنفع le bon comportement et نصيحة ربما il leur ouvre un درس et ça va toucher les gens et même s'ils essayent de propager leur bid'a ou leur shirk فهو il connaît ces choses là بإذن الله عز وجل ça ينفع. لكن on dit en تفصيل لماذا لأن même si الإنسان il est ضعيف انتبهوا كلام شيخ الإسلام والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته. On prend un frère dans une ville, il est ضعيف et son hajr il n'a aucun effet. Est-ce que ça veut dire qu'on dit à ce frère tu fais plus le hajr et tu te mélanges à eux? Abadan. لماذا لأن المصلحة va dans les deux sens. مصلحة المهجور والهاجر. Ne pas comprendre من هذا. Maintenant on dit à ce frère Daif, min ahli sunnah, mélange-toi, ne fais pas le hajr. Ton hajr il n'a aucun ta'thir, il n'a aucun effet. Là, il y a un autre tafsil. Si il fait le hajr et ils lui font du mal, et Rabbama ça salit l'image de la sunnah, il a akhiré, fafi hadha al-hal, si tu passes le salam, réponds. Tu es tout seul, tu es Daif, et Rabbama avec. Ton bon comportement, tu fais des efforts fil ilm, wahed il va se mettre avec toi, un deuxième, un troisième, alhamdulillah, hakada, hatta ils ont un peu de quwa. Fa fi hadha al-hal, n'am. Fi hadha al-hal, même s'ils passent le salam, matalan au masjid, il y a des mubtadi'a, l'imam il lui passe le salam, et s'il répond pas, ça va faire une grande fitna ila akhri. Fi hadha al-hal, répond, wa alaykoum salam. Et comme taqaddam ma'ana dans le dars précédent, walaw yanoui al-salam. نسيت الكلمة تذكرون وينوي بها من سكرك على كلمة نعم قال ابن العربي رحمه الله وينوي أن السلام اسم من أسماء الله فكأنه يقول الله رقيب عليكم نعم السلام عليكم أي الله رقيب عليكم لماذا لأن السلام سألله السلام من أسماء الله عز وجل فالله رقيب عليكم الله سبحانه وتعالى vous voit et vous entend إلى آخره ولو هذا طيب pour se préserver des fitans أما se mélanger écouter tout le monde بعض الناس يأخذون هذا الكلام ils disent là le âge il a aucun effet ils se mélangent et ils s'invitent et ils mangent et ربما ils assistent au دروس لا لأن الهجر يتفاوت il peut avoir un هجر كلي celui qui peut le faire et il y a une faïda فطيب. On a donné l'exemple d'une jama'a qawiyya et un hajr juz'i. Si le fait de ne pas répondre au salam, tu réponds au salam pour te préserver des fitnes et préserver les autres de la fitna, amma tu te préserves en takadhalik, s'il y a des durus, j'assiste pas, personne ne te t'obligera. Non, il y a une invitation et ça se mélange, là, non, je ne peux pas venir, je suis occupé. Donc, et c'est un point très très important, c'est masail, chez l'islam, il t'a cité des bases طيبة. C'était des points importants et أحيانا c'est du cas par cas. فلهذا العلماء ينصحون دائما surtout في هذا الباب العظيم الرجوع إلى أهل العلم. أما faire des choses tout seul, faire le hajr quand il faut pas, ou délaisser le hajr quand il faut, ça provoque beaucoup de fitan. خاصة si l'insan fait le hajr pour son nafs. الهجر c'est une ibadah. Tout ça, ça doit être l'Allah. Amma al-ba'ad, ils connaissent wahed qui fait des bid'a'. Vu que c'est une connaissance, ils ne font pas le hajr. Quand c'est un frère qu'il n'aime pas trop, une petite chose, al-hajr. Et fait tout cela sous couvert de c'est le hajr. Et c'est la quwa dans le manhaj ila akhir. Tout ça, c'est min al-hawa. On fait attention. Al-hajr, c'est une ibadah. Comme quand tu fais le salat, quand tu fais le hajj, tu fais le siyam, tu dois être sincère. Al-hajr, c'est la même chose. C'est une ibada. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tawfiq et on fait attention à notre nafs. Qala, on peut citer plutôt une parole avant de Al-Hafid ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, pour appuyer ce qu'on vient de citer. Qala rahimahullah fi al-tamhid wa ajma' al-ulama ala annahu la yajuz lil-muslim an yahjur akha fawq thalath. Taqaddam ma'ana, l'unanimité de savoir, on n'a pas le droit de faire le hajra à notre frère plus de trois jours. Illa an yakun yakhaf fi makanatihi wa silatihi ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنيا. أما celui qui a peur en fréquentant une personne que ça lui fasse du mal dans son dîn ou sa dunya, يجوز له. Même si tu es ضعيف من حيث التأثير, ton hajr il a pas d'effet, فعلى كل حال, ça veut pas dire que tu peux te mélanger. Ferme les portes. Même si tu réponds salam, même si une kalima ou deux kalima la tadur, amma plus loin, les doros et le munaqasha, le qil wal qal, les polémiques et la akhir, ça te fera beaucoup de mal, akhi al-karim. Surtout avec ahl al-bida' wa al-tahazzub. Si, il va faire la danne, actafi bihada. Il va faire la danne, actafi bihada. On voulait lire en une jalsa, lakin al-kalam il est muhim. Et inshallah, on finira la prochaine fois. On reprendra à partir de قول المؤلف ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك